La tragédie de juin 1940, 1 850 000 prisonniers. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On roulait doucement, petite route. Tout d'un coup, je te vois contre la glace ou à côté. Ziou, ziou, quelque chose qui éclairait. Alors à ce moment-là, on a entendu tratatata, tratatata, hop. Et tout d'un coup, ça se calme. J'ouvre ma portière. Je sens quelque chose qui me prend par le dos. Et je me retourne. Je te vois une tête là, un casque par dire le manque. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et voilà, j'ai dit, ça y est, je suis fait prisonnier. C'était le témoignage, l'un parmi tant d'autres, de Gaston Sirec. Et aujourd'hui, nous aurons l'analyse en direct de l'historien Fabien Théophilakis. Bonjour Fabien. Bonjour Jean Lebrun. Vous intervenez depuis... Allez, je vous laisse donner le nom de la ville d'où vous intervenez. Depuis Munich. Ben voilà. Vous préparez, elle est quasi achevée, elle a dû être retardée quant à son inauguration, une exposition au mémorial de Royal-Lieu, à côté de Compiègne, dans l'Oise, sur les prisonniers de guerre français, et vous avez fait votre thèse, naguère, sur les prisonniers allemands. Elle a été publiée chez Fayard. D'ailleurs, je voudrais qu'avant de parler des 1 850 000 Français, dont 1 500 000 vont être transférés fin 40, début 41 ou plus tard en Allemagne, que vous nous parliez des prisonniers allemands en France, parce qu'il y en avait de plusieurs sortes en mai-juin 40. Oui, effectivement, on a à peu près le chiffre de 10 000 soldats du Reich qui tombent dans les mains françaises pendant la campagne de France. Mais il faut bien avoir en tête que ce ne sont pas les premiers qui arrivent dans des camps. Les ont précédés, ce qu'on va appeler des internés civils, d'autres prisonniers, donc pas militaires mais civils, qui ont été internés par des règlements qui vont être pris en 40, mais dont les premiers textes remontent au 1er septembre 39, deux jours avant la déclaration de guerre. À ce moment-là, pour des raisons de sécurité intérieure et militaire, on décide d'interner l'ensemble des ressortissants de la puissance dite ennemie. Et donc, on va commencer à interner à partir de 40, deux textes en mai et en septembre, et qui imposent l'internement de tous les hommes entre 17 et 56 ans, ou 17 et 65 ans. Et puis, mi-mai 1940, les femmes allemandes vont être aussi internées, en principe, avec des exceptions. Alors, quant aux prisonniers de guerre stricto sensu, ils sont nombreux à être des aviateurs. Il n'y a peut-être pas eu, comme on l'a répété, 1000 victoires de pilotes français sur des pilotes allemands, mais il y avait plusieurs centaines de pilotes allemands prisonniers en mai-juin 40. Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu la figure emblématique de cette victoire française par rapport à une défaite énorme. Le général de Gaulle, dans ses mémoires, donc avance le chiffre de 700 aviateurs allemands qui auraient été ensuite livrés aux Britanniques avant la signature de l'armistice. Quand on regarde dans les archives, et je précise que cette période de mai-juin 40 est assez peu travaillée, que ce soit du côté français ou du côté allemand, c'est-à-dire beaucoup moins que la période qui va suivre à partir de fin 40-41. Et donc on ne sait pas exactement dans quelle mesure cet accord va être appliqué. Autrement dit, est-ce que le général de Gaulle a vraiment livré ou pas ces différents aviateurs aux Britanniques? Peu, d'après Churchill, ont été livrés par le gouvernement français, et beaucoup trop, d'après Churchill toujours, se sont retrouvés pilotes allemands pleins d'expérience, en train de participer au bombardement de l'Angleterre. Alors, il faudrait distinguer maintenant chez les prisonniers français les prisonniers des premières semaines. On a un très beau témoignage, c'est celui de l'écrivain Claude Simon, la bataille des Flandres. Nous étions assis par terre, sales, exténués, avec nos barbes de 8 jours, le long d'un mur de grange, et un jeune officier allemand, fou d'orgueil, ganté, astiqué, brossé, les bottes étincelantes, nous regardait avec ironie. Voilà, si vous êtes là, c'est la faute des Anglais et des Juifs. Ça, ce sont les premières semaines des batailles. Et puis, ensuite, il y a les prises de masse, les armées françaises étant entourées comme par des nasses. Cette captivité, c'était une captivité de masse qui ne reposait sur aucun abandon ou lâcheté individuelle. Les Allemands étaient à Rouen et à Paris alors que nous étions encore près de Sedan. Et les armées de l'Est, les armées de Lorraine étaient déjà enfermées. Il a suffi que la boucle fût absolument bouclée pour que d'un seul coup, des centaines de millions d'hommes fussent prisonniers. On a reconnu le ton impérial de François Mitterrand, interrogé après qu'il était devenu président de la République. C'est pas parce que nous étions battus que moi, je me sentais battu. Captivité de masse, c'est-à-dire que en peu de semaines, il y a 4 fois plus de prisonniers qu'il n'y en a eu pendant les 4 années de la Grande Guerre, Fabien Théophilakis. Mais il faut bien avoir en tête qu'effectivement, ce chiffre assez extraordinaire de 1 850 000 prisonniers, c'est-à-dire ça correspond à 2/3 des effectifs de l'armée de terre française, plus d'un quart de la population masculine active. Et il faut bien avoir en tête que ça veut dire que l'ensemble de la société française est concernée. Simplement, ces prisonniers vont pas être capturés de la même façon dans le temps. Il faut distinguer, me semble-t-il, 3 grandes phases, et François Mitterrand en parle d'une. La première vague de capture, c'est entre l'automne 39 et puis jusqu'à mai 1940, où on a des captures extrêmement faibles par en Sarre ou en Lorraine, sur des zones de front avec des opérations très limitées, et cette période c'est moins de 1% des capturés français. La deuxième phase commence avec le début de la campagne de France, le 10 mai, et là encore, on a un assez faible nombre de captures, parce que les armées se battent, et se battent vaillamment. La seule exception, c'est Dunkerque, hein, le 3 et 4 juin, où on a un pic de captures. En revanche, c'est vrai, à partir du 13 juin, commencent ces fameuses captures de masse dont parle François Mitterrand, et qui vont être un petit peu l'image symbolique de cette débâcle française. Et la géographie est assez claire, hein. Il y a 2 grands espaces qui vont être concernés, les départements du Nord et des Vosges, et ensuite les axes de progression des panzers, une fois qu'ils ont percé le front de la Somme. Un exemple, hein, les panzers de Guderian, le 17 juin, lorsqu'ils font leur jonction avec la 7e armée allemande, font 500 000 prisonniers. Et puis vous avez un autre groupe, hein, qui vont être pris sans avoir pratiquement bougé ou en position, ce sont les soldats dans l'Ouest ou dans les Vosges et dans la ligne Maginot. Je voudrais juste préciser une dernière chose, c'est que un grand nombre de captures va se produire après l'appel du maréchal Pétain qui, par le 17 juin, appelle à cesser les combats. Et donc ça veut dire que les captures n'ont pas eu lieu sans combat. Après fin mai, la plupart des pertes françaises sont dues aux morts et aux blessés, mais pas à la fuite ou aux captures massives. Et ça veut dire que pour une grande majorité de prisonniers, la captivité commence après le 24 juin 1940, après la fin des combats. Autrement dit, leur reddition a surtout été la conséquence et non pas la cause de la défaite militaire française qui devient une défaite nationale. Vous insistez sur l'appel du 17 juin du maréchal Pétain qui contient une contradiction dont on se demande comment elle a pu être conservée au moment de l'enregistrement. Il dit, le maréchal, devenu président du Conseil, on y reviendra dans les émissions suivantes, qu'il faut cesser le combat au moment précis où il explique qu'il va démarcher les Allemands pour demander les conditions de l'armistice. Contradiction qui va mettre les soldats dans beaucoup de difficultés. Vous parliez de l'Ouest, on va essayer maintenant de singulariser les témoignages avec vous. Voici un Breton, plus anonyme que François Mitterrand, mais quand même assez haut en couleur. Bah, il s'est peut-être livré. Les officiers lui ont dit qu'il fallait faire ainsi dans une des forteresses de deuxième ordre qu'il gardait en Bretagne. Des camions sont arrivés, bloqués tout le camp de l'Aniron. Colonne par 3, on nous a dirigés sur la gare où les trains nous attendaient. On dit on va en Allemagne. On espérait seulement qu'on n'y resterait pas trop longtemps. On dit ça va être, on va, c'est quelques mois quoi. On dit les Allemands ne vont pas garder tous les prisonniers. Comment pourront-ils nous nourrir? On dit que dans la propagande française, ils crevaient de faim les Allemands. On était tous persuadés que notre départ sur l'Allemagne, c'était juste quelques mois maximum. Alors avant l'Allemagne, il y a eu les Franz Stalag sur place en France. Et l'espérance, elle était entretenue par le fait que les Allemands, surpris eux-mêmes par le nombre de prisonniers qu'ils avaient faits, n'auraient pas pu organiser leur détention, ni dans notre territoire, ni ensuite en Allemagne. Fabien Théophilakis. Alors c'est intéressant parce que c'est souvent un point de vue qu'on oublie. Hein. On s'intéresse beaucoup côté français à ceux qui ont été capturés et assez peu à ceux qui ont capturé, à savoir l'ennemi et en l'occurrence le vainqueur. Les Allemands ont-ils programmé, ont-ils envisagé une telle captivité, sachant qu'ils partaient eux-mêmes vainqueurs dans leur esprit? Alors la première élément de réponse, c'est qu'ils ont appris d'une part de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle ils ont été un petit peu débordés par la masse de prisonniers, et puis appris aussi de la campagne de Pologne qui a eu lieu un an auparavant. Et ils ont repris et perfectionné ce système de camps, donc les Frontstalag, qui sont des camps ouverts derrière les lignes pour regrouper les prisonniers sur les champs de bataille, et puis ensuite en Allemagne, les Auflag pour les officiers et les Stalag pour les hommes de troupes. Sauf que ils sont eux-mêmes débordés par l'ampleur des captifs. Hein. Les prisonniers français sont 4 fois plus nombreux que les prisonniers polonais. Et donc, ce qui va expliquer qu'on ne peut pas envoyer tout de suite cette masse de prisonniers dans le Reich, et on va l'envoyer au fur et à mesure. Les derniers 400 000 partent à la fin 1940. En attendant, on va ouvrir une cinquantaine de Frontstalag au nord de la Loire, qui vont être des camps d'attente, en fin de compte, beaucoup plus longs que prévu par rapport à ce qui a été initialement décidé. Singularisé, disions-nous. Alors, dans l'exposition que vous préparez pour Royal Lieu, qui ne sera finalement ouverte qu'en 2021, vous utilisez des carnets, les carnets du capitaine Mongrédien, les carnets du peintre et illustrateur François Garnier. Vous pouvez nous offrir quelques images que vous avez observées dans ces témoignages qu'au jour le jour tenaient les prisonniers? Oui, et il faut bien, ça me permet de faire un petit aparté sur les archives. La captivité est une histoire souvent aride, peut-on penser, lorsqu'on pense aux grands chiffres, lorsqu'on pense aux nombres. Mais en revanche, il ne faut pas oublier que c'est X fois une expérience, une douleur parfois. Et donc, j'appelle ici vos auditeurs à faire don, ou du moins à apporter aux archives départementales ou nationales, des cahiers du grand-père, de l'arrière-grand-père, qui donneraient à voir un aspect, un visage humain à cette captivité. Donc très rapidement, Georges Mongrédien, c'est un officier de réserve qui est mobilisé en 1939 et qui se retrouve à la tête d'un régiment d'infanterie. En juin 1940, il combat dans l'Aisne et le 16 juin, il reprend la marche avec des hommes qui sont épuisés. Ils ont parcouru en 8 jours plus de 270 kilomètres. Et il note dans ses carnets que ces hommes sont dans un tel état de dépression qu'il a du mal à s'en faire obéir. Le 17 juin, ils conviennent, je cite, que le cas échéant, nous ne combattrons pas en étant incapables. Et ça se produit le 17, peu avant 3 heures du matin, ils entrent dans un village et ils tombent nez à nez avec la SS de la division de la garde personnelle du Führer. Et je voudrais juste citer Mongrédien pour la fin de cette bataille. Les Allemands nous entourent en tirant de nombreux coups de feu au sol, nous mettent en ligne sur 3 rangs et nous font jeter nos armes et munitions. Instant douloureux, j'ai vu des hommes pleurer. Et on sent ici dans ce témoignage, à la fois, je dirais, l'humiliation, la douleur, la colère qu'ont ressenti ces hommes lors de leur capture. Vous dites que les carnets de Mongrédien ont été apportés à l'Institut d'Histoire du Temps Présent par son fils, qui ne les avait jamais lus, qui longtemps avait ignoré leur existence. François Garnier, que je citais aussi, et dont les carnets, avec leurs illustrations, c'est un peintre d'origine, ont été publiés par les presses universitaires de Rennes, note à un moment que du côté d'Orléans, pendant la déroute, avant même d'être fait prisonnier, il entend un vieil homme lui parler de massacre de tirailleurs sénégalais. Alors, il y avait 70 000 Africains, 10 000 Malgaches, 340 000 Nord-Africains dans les troupes françaises en 1940, et on dit que les Allemands, en général avant l'armistice d'ailleurs, ont tué peut-être 1000, 2000, 3000 tirailleurs sénégalais, leurs officiers ne supportant pas leur présence et les soldats allemands étant souvent angoissés devant les hommes sauvages avec leurs coupes-coupes. Fabien Théophilakis. Oui, alors c'est une question qui a été longtemps un peu ignorée de l'historiographie, qui est beaucoup mieux traitée, notamment par des travaux français ou étrangers. On parle donc de ces fameux soldats de couleur. Hein. Les forces allemandes, comme vous le disiez, entre mai et juin 1940, font entre 90 000 et 100 000 soldats de couleur prisonniers, qui vont effectivement connaître à la fois une capture et une captivité différente de celle des soldats blancs. Et donc ceux qui vont être massacrés, si on parle d'abord de ces premiers groupes-là, ce sont les coloniaux et surtout on va appeler les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire un tiers des 100 000 dont je viens de parler, puisque la grande majorité des deux tiers, les Nord-Africains, ne vont pas connaître ce sort-là. Et effectivement, Raphaël Scheck, qui est l'historien qui a travaillé sur ce sujet, estime, et les sources sont très imprécises, parce qu'il y a beaucoup de massacres qui n'ont pas laissé de traces, que sur la trentaine de massacres qu'il a recensés, on peut compter entre 1500 et 3000 soldats donc massacrés. Et c'est extrêmement intéressant, ils sont massacrés non pas en mai 1940, quand les Allemands avancent rapidement, lorsque ni d'ailleurs lors des combats assez durs de Dunkerque, ils ne sont pas massacrés dans cette première phase, même si il y a eu des exactions de prisonniers britanniques, mais ils sont blancs, même s'il y a eu à ce moment-là des exactions contre des civils, mais ils vont avoir lieu dans la deuxième étape, c'est-à-dire entre le 5 juin et le 10 juin 1940. C'est-à-dire, première conclusion, il faut bien comprendre que ces massacres n'ont pas été systématiques. Entre 1500 et 3000 sur les 16 à 20 000 prisonniers noirs qui ont été en main allemande, et de fait, dans les archives allemandes, on ne trouve aucun un ordre écrit d'officiers allemands supérieurs qui vont ordonner ces massacres. Alors peut-être une question, pourquoi elles vont avoir lieu et vous l'avez en partie rappelé, il y a premièrement le choc que peut représenter pour des soldats allemands très fortement embrigadés dans la propagande nazie d'être confrontés à un noir, à un nègre, comme on l'appelle à l'époque par rapport à ça. Et on sait que Goebbels, sous l'impulsion de Hitler, à partir du 29 mai, a largement accru la propagande concernant notamment la Rhénanie en 18, l'expérience de l'occupation française de troupes et ce qu'on appelle en allemand la Schwarze Schande, la honte noire. Mais je pense aussi que ce qui est derrière, c'est que la victoire allemande de 40 apparaît comme une réalisation de l'idéologie nazie et elle est lue comme une revanche de 1918. En un sens, en traversant des espaces que leur père avait désespérément occupé 25 ans plus tôt, la nouvelle génération du Reich allemand donne un sens à la défaite et surtout un sens au sacrifice de la Première Guerre mondiale. Et en tuant des Noirs, expressément des Noirs, eh bien on montre que si la France a perdu la guerre, c'est parce que, je cite un article allemand, elle était enjuvée, mais aussi elle était négrifiée et bâtardisée. Les coloniaux seront gardés à part, ne partiront pas en Allemagne, même à partir de 43-44, le régime de Vichy acceptera que ce soit des soldats et des officiers français qui les gardent, ce qui est quand même un paradoxe. Mais je dis, il faut individualiser et penser à toutes sortes de sources. Il y a un grand roman qui a eu beaucoup d'écho après la guerre et qui racontait le sort des prisonniers dans les fronts de Stalag sans les coloniaux. C'est le caporal épinglé de Jacques Perret, dont Jean Renoir a tiré un film bien connu. Halt! Wohingesto? Toi, où aller? Rentre chez moi. Nach Hause? Du bist verrückt. Los, zurück ins Lager. Non, mais c'est l'armistice, quoi. Ja, armistice, très bon. Nous, mein lieber Freund, red nicht, geh zurück ins Lager. Mais la guerre est finie, on est plus forcés, les gars. Los, zurück ins Lager! Mais mes vaches, pendant qu'elles vont devenir mes vaches. Was? Et mon commis qui s'est cassé la jambe. Et ma femme qui est toute seule. Los, zurück ins Lager! Oh, ben ça, là. Honneur aux vaincus, ne piétinons pas l'armée française. Sacré Balochet. Eh, dis donc, toi qui sais tout, là, t'aurais pas pu piétiner de quand c'est qu'ils vont nous lâcher, non? Eh bien, admettons que je sois Hitler. Supposition tout à fait improbable, nous n'avons pas la même formation. Eh bien, si j'étais Hitler et que j'ai 2 millions de prisonniers français, je ne les lâcherais pas. Pas un seul. Eh bien, mon cher, voici la vérité. À l'occasion d'un bal chez le roi d'Angleterre, Roosevelt a dit textuellement à Hitler... Mon petit Adolphe... Si tu ne libères pas immédiatement tous les prisonniers français, je te déclare la guerre. Juste toi ? Officiel, mon pote. Non, mais les balochers viennent définir l'essentiel de la question. Les grands se foutent de nous, discutent le coup au champagne et nous laissent moisir dans la merde. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, caporal ? De toute façon, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça, alors. Oui, alors chacun des prisonniers, dans sa douleur, imagine bien sûr être abandonné, pense que les élites l'ont trahi, gamberge sur les positions de Hitler. Hitler ne dînait pas au champagne avec Roosevelt. En revanche, que Hitler ait pensé que c'était une arme, les prisonniers de guerre français, qu'il fallait les transférer dans le Reich. Ça, c'est exact, Fabien Théophilakis. Alors, c'est-à-dire que, oui, en partie, il faut bien avoir en tête que, pour nous, Français, la captivité est pensée nationalement. Pour les nazis, c'est un phénomène qui va être européen. La captivité française arrive après celle des Polonais. Mais ce qui est intéressant, elle arrive aussi, théoriquement, après celle des pays de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas qui ont été occupés juste avant le début de la campagne de France. Or, on s'aperçoit que les Français ont été plus durement traités que les vaincus de ces autres États d'Europe de l'Ouest, lorsque l'on compare ce qu'a accepté Hitler vis-à-vis des soldats norvégiens, danois ou néerlandais, qui n'ont pas été faits prisonniers ou ont été libérés beaucoup plus rapidement. Alors pourquoi ? Il y a bien sûr une raison idéologique. Hein. Si je prends le cas des Alsaciens lorrains, eh bien ils vont être isolés dans ces fronts de Stalag et très rapidement libérés parce que considérés par les nazis comme ce qu'on appelle des Allemands ethniques. Et puis inversement, on a vu que ces soldats coloniaux vont être au début de leur captivité beaucoup plus durement traités. Mais il y a une autre raison peut-être dans ce traitement plus dur des prisonniers français à l'Ouest. C'est une raison historique. Pour Hitler, le traitement plus dur des prisonniers est lié à son interprétation de la Convention d'armistice qui doit effacer la honte de 1918. Et il a clairement stipulé que les dispositions vis-à-vis des prisonniers français devaient correspondre à celles inversées que l'Allemagne avait dû accepter après la Première Guerre mondiale. Donc on a ici un rejet de l'histoire et qui font que quand vous relisez des carnets de soldats allemands, eh bien ils ont l'impression de revivre en partie ce qu'avait vécu leur père, mais de façon beaucoup plus victorieuse, s'étonnant d'avancer aussi rapidement là où leurs aïeuls avaient mis des mois à gagner des centimètres. Et puis vous avez raison de le souligner, Jean Lebrun, effectivement, très rapidement, cette captivité devient un élément structurant, fondamental, dans la politique de collaboration entre le régime de Vichy, qui s'instaure en juillet 1940 et le Troisième Reich. Plus longue sera l'absence, plus forte sera la présence des prisonniers dans la propagande du régime de Pétain, dans l'imaginaire et notamment dans l'imaginaire des femmes parmi les sources. Combien de chansons ont été consacrées aux prisonniers de guerre? Alors Martin Pennet nous suggérait Léo Marjan, Seul ce soir, qui est la chanson la plus connue, mais aussi celle-ci de Yolanda, qui a été assez connue pendant l'occupation, beaucoup moins après Tu n'es plus là. Par la fenêtre entrouverte, je vois au loin ce soir, dans la campagne déserte, un horizon tout noir. Pas une étoile qui brille au-dessus du vallon, pas de flamme qui scintille, hélas dans la maison. Le ciel s'est assombri, tu n'es plus là. Les beaux jours sont finis, tout est morose et gris, tu n'es plus là. La cloche au loin qui fête, d'un air plaintif est là. De nos folles étreintes semble sonner le glas. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. 1 500 000 prisonniers français transférés fin 40, début 41 ou plus tard de l'autre côté de la frontière. Et puis, de ce côté-ci de la frontière, la femme du prisonnier, Fabien Théophilakis, qui intervient depuis Munich. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Eh bien, c'est intéressant ce point-là, parce que pour ces femmes de prisonniers, on a compris l'importance du numérique, mais aussi l'importance personnelle de l'expérience. Pour ces femmes, eh bien, je dirais que le véritable désastre commence avec l'armistice, parce que l'Allemagne va mettre, vu le nombre de prisonniers qu'elle a gérés, des mois pour identifier ce qu'elle a fait prisonnier. Je vais vous donner un exemple qui est assez célèbre, hein, celui de Simone de Beauvoir. Elle attend des nouvelles de Jean-Paul Sartre et elle est pleine d'inquiétude. Et elle décrit alors ce Paris de la fin du mois de juin. C'est toujours la même rengaine partout, les femmes dans le métro, les femmes sur le pas de la porte. Avez-vous des nouvelles? Non, il est sûrement prisonnier. Quand pourra-t-on avoir les listes? Et puis, jusqu'à ce qu'elle reçoive un petit mot de Popol, Simone de Beauvoir écrit alors dans son journal: « C'est immense, cette lettre, et ce n'est rien. Tout de même, je respire un peu mieux. » Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des épouses qui vont être capables d'aller près des fronts de Stalag et des prisonniers qui vont être capables de faire passer des lettres au mois de juillet 1940, mais pour la plupart des épouses, notamment celles qui chantaient la chanson, eh bien, elles ne reçoivent pas d'avis avant le mois d'août, voire avant l'automne 1940, et les dernières sont prévenues en janvier 41. Et donc là, vous avez un décalage énorme avec, je vous rappelle, une captivité qui aurait dû être brève, puisque comme le rappelait l'extrait de votre film, pourquoi continuer à être captif alors que les combats ont cessé? Et donc on a ici la femme qui va jouer un rôle fondamental en tant que soutien de foyer et à gérer une situation très compliqué puisque on est à l'été 1940 et que pour ce monde agricole qu'est la France, eh bien le monde des champs n'attend pas. Alors la femme va être soutenue par le régime de Vichy qui met en place à partir de l'été et encore plus à partir de l'automne 40 une véritable administration des prisonniers. Et puis qui gère l'angoisse des Français, l'apaise aussi et peut jouer sur tous les ressorts qui sont familiers au régime que Pétain va mettre en place et notamment les ressorts catholiques, tout le vocabulaire du martyr. Le prisonnier et le martyr qui permet la régénération de la France qui jouissait trop. Voici pour finir Jean Guiton. Jean Guiton a été prisonnier pendant toute la guerre. C'était un conférencier qui défendait les idées de Pétain dans les camps de prisonniers, mais il se peint différemment dans les années 1990 dans ce témoignage recueilli par Patrice Gélinet. La souffrance de la captivité, c'était le fait d'être jamais isolé. En ce qui me concerne, moi j'aimais la solitude, j'aimais être seul dans un petit coin, puisque c'est ça le secret du bonheur, être seul dans un petit coin. Ben là, pendant 5 ans, je l'ai jamais été, c'était une première souffrance. Et puis la seconde souffrance, c'est terrible à dire, c'était l'espérance. C'est difficile à vous expliquer, je me rappelle d'avoir vu un officier allemand, au début de la captivité, qui m'a dit « Nous avons trouvé un moyen, pas de temps pour vous garder. » Le premier moyen, évidemment, c'est les sentinelles, les miradors. Mais il y a un moyen merveilleux, c'est l'espérance. Et alors je lui ai dit « Mais comment l'espérance ?»« Eh bien oui, nous vous donnons toujours l'espérance que vous serez à Paris le lendemain. » Et c'est vrai. Pendant 5 ans, j'étais avec un camarade qui m'avait dit « On va crever ici, on va crever ici, c'est fini. Je ne reverrai jamais ma femme et mon gosse, on va crever ici. » Et puis... mon camarade apprenait qu'il serait demain à Paris. Alors j'ai souffert pendant 5 ans de cette maladie terrible appelée l'espérance. Oui, mais cette souffrance et cette espérance, c'est, selon le régime de Vichy, la substance de la France. Fabien Théophilakis. Et oui, parce que ce conférencier qui est Jean Guiton, que Mongredien a rencontré dans son front de Stalag, effectivement, met en avant le fait que pour le régime de Vichy, le prisonnier, parce qu'il a souffert, parce que c'est un martyr, va être l'aile marchande, pour reprendre un terme de Maréchal Pétain, du nouveau régime. L'idée, c'est que la captivité, par ses privations, doit favoriser la prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives qui ont été à l'origine de la guerre et de la défaite. Et donc, par la repentance et par la douleur, ces prisonniers seront les cadres de la France de demain. Et oui, c'est pour ça que la mémoire des prisonniers après la libération a été injustement étouffée après avoir été idéologiquement valorisée. La mémoire des résistants, la mémoire des juifs, évidemment, était plus importante. Alors donc, je recommande, Fabien Théophilakis, votre livre sur les prisonniers de guerre allemands au lendemain de la victoire de 1944-1945, c'est paru chez Fayard. Un petit mot du projet de Royal Lieu, allez, vous avez 15 secondes, puisque le projet a quelques mois de retard maintenant. Fabien. Effectivement, c'est un projet qui va être à la fois sur Royal Lieu et plus généralement sur cette captivité de mai-juin 40. pour laquelle on connaît assez peu. Et l'idée, c'est de multiplier les points de vue, français bien sûr, mais aussi suisse avec le CICR, la Croix-Rouge, allemand avec les gens qui ont capturé les prisonniers. Et l'idée, c'est de faire un va-et-vient entre ces différents points de vue pour comprendre pourquoi un destin personnel a pu être aussi un désastre collectif. Voilà, rendez-vous dans quelques mois et un catalogue de référence chez un éditeur de référence. Je n'en dis pas plus parce qu'il me faut citer les noms de Mathias Alléon à la technique, Hélène Couilloujean à la réalisation. À distance, Juliette Gou, Franck Olivard, Elinka Negulesco et Frédéric Martin.